En agglomération, je dois ralentir et au besoin m'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels. C'est logique dans la mesure où les bus ont des horaires fixes sur des trajets prédéterminés. Leurs parcours ne doivent pas être perturbés par les autres usagers. C'est aussi la raison pour laquelle, en agglomération, ils ont souvent des voies qui leur sont réservées. Ce bus a allumé son clignotant gauche. Je dois m'arrêter pour le laisser partir. Réponse C.